Tirage du loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir 1 million de dollars garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 17 millions. À ne pas manquer cette semaine sur La Fabrique culturelle. L'œuvre ne vous appartient plus. C'est terminé. Elle appartient maintenant à celui qui la voit. Alexandre Taillefer, un dragon chez les artisans. C'est une espèce de mix de plein d'influences, de plein d'amis, de party, de composition. Le groupe Canaille, en pleine séance de création, dans un chalet. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Lafabriqueculturelle.tv. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. Ça... J'ai plus rien à dire, là. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% chez Sillon le disquaire au 1149 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Parenthème sur les ondes de CKRL. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se faire à souper, de préparer des purées, d'avoir un enfant qui jette tout par terre, d'essayer de ramasser. Je raconte un peu ma vie en ce moment. Un bébé qui hurle dans le bain. Un bébé qui hurle dans le bain. Vous êtes là-dedans en ce moment, vous allez passer une belle heure avec nous ce soir, je vous le promets. Donc, Parenthème, votre émission sur la parentalité. Sandra Lalancette qui est avec vous, avec autour de la table déjà Berbel Renke, Samuel Auger, Marie-Ève Larouche, Annie Cloutier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, on va parler camping, on va parler maison de naissance, on va parler papa. Beaucoup, un livre de Locolocas. Sandra Bellefoy va venir nous rejoindre tantôt pour nous parler d'un mystère qu'elle a résolu sur les papas du midi. Alors, restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus. Et on a Valérie Harvey qui va venir nous parler des papas. Des papas qui prennent des congés. Des congés de paternité, oui. Des congés parentaux. On a Samuel ici. Samuel, tu es notre papa du jour. On a toujours un papa par émission. Mm-hmm. Alors, tu vas être interpellé pendant cette entrevue-là. On vous invite à nous suivre sur la page Facebook, le compte Twitter, Parenthème ACKRL. Et je voudrais, avant qu'on commence, souhaiter bonne fête à Isabelle Chabot, notre chroniqueuse, ma tante cool, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Isabelle. T'as pas de petit garçon, de petite fille pour venir te donner un bec tout mouillé, mais on t'en donne tous des becs tout mouillés et je vais t'en donner un tantôt. On commence avec Samuel Auger. Salut Samuel. Salut Sandra. Qui va essayer de nous convaincre, malgré son look de cravate et très chic ce soir, qu'il est un gars de plein air et que c'est possible de faire du plein air avec nos enfants. Alors, je vais être la personne que tu devras convaincre ce soir. Elle haït le camping. Je fais même pas de camping en solo toute seule. Alors, je me vois très mal en faire avec un bébé avec qui c'est déjà difficile de dormir dans une maison régulière. Moi, j'ai un bébé de 10 mois. On en parlait hors d'onde. Vous, un mois, pas de problème, on part en camping avec un bébé d'un mois? J'ai pas essayé un mois. Moi, je l'ai fait parce que le bébé, ma dernière est née en mai. Et en juin, on était en camping. Et je te dirais, dans une tente, je trouve la vie plus facile avec un bébé que dans une maison. Mm-hmm. Il y a un bon point, mais c'est normal d'avoir des réticences. Dès qu'on y pense, à la base, on a l'impression qu'on a peur. Parce qu'on se dit, on n'a pas la chambre, on n'a pas les habitudes, on n'a pas la routine, on n'a pas les éléments, il va me manquer ci, ça. On n'a pas d'évier. Oui, exact. Pourquoi on irait se compliquer la tâche ailleurs, dans le bois, comme ça, au milieu de la forêt, alors que des fois, c'est déjà assez difficile comme ça à la maison. Fait que le premier réflexe, ça peut être non, on n'y va pas. Mais nous, on faisait déjà du plein air, on faisait déjà du camping avant la venue de l'enfant, puis on s'est toujours dit, on va essayer. On l'a pas essayé à quelques semaines essentiellement parce que c'est en plein hiver, puis on n'était pas assez motivés pour l'essayer, même s'il y en a qui peuvent aller jusque-là. Mais à la seconde où ça a commencé à dégeler, on a décidé d'y aller. Le camping ouvrait le 15 mai, on est arrivé le 15 mai, il y avait un client dans un camping qui pouvait en accepter environ 200. On était vraiment motivés, on voulait y aller, on voulait tester ça. Puis finalement, ben, ça a bien été. C'était mais là, franchement vous étiez agréable. Équipé comment? Là, vous étiez déjà équipé, vous, de base pour le camping? À la base, c'est sûr, il faut aimer un petit peu quand même puis avoir un intérêt pour ça. On était équipé, on avait nos tentes, on avait nos choses comme ça. Puis on fait juste rajouter quelques petites choses pour le bébé, mais c'est pas très compliqué parce qu'un environnement en camping en plein air, C'est très chaleureux en soi, c'est une tente, c'est tout le monde dort au même endroit, on s'installe, c'est comme un gigantesque cododo où tout le monde a son sac de couchage puis tout ça. On fait juste intégrer le bébé là-dedans, donc c'est pas particulièrement difficile. Souvent la première chose qu'on va avoir peur, c'est est-ce qu'il va faire froid? Puis oui, il fait froid en camping. Que ça soit au Québec ou ailleurs, souvent la nuit la température peut descendre. Nous on avait eu un -1, -2 la nuit. Donc, quand on a un bébé, on pense pas nécessairement à ça. C'est très rare les gens qui dorment à -2 avec leur bébé de 5 mois dans les premiers mois. On pense pas à ça. Mais on le savait, on avait déjà été à ce camping-là, on savait que la température pouvait chuter. Donc, on était préparé. Mais rendu là, c'est assez facile. Il y a des couvertures, des sacs de couchage, il y a toutes sortes de choses qui existent pour bien se préparer puis faire en sorte qu'au final, tout le monde a passé une excellente nuit, sauf Marie-Ève et moi. Pourquoi? Parce qu'on était inquiets. Le bébé, non. Le bébé a super bien dormi. Ça s'est très bien passé. Rien à dire. Nous, on était tellement inquiets que le bébé allait pas bien que finalement, on n'en a pas dormi la première nuit. Donc, c'est très psychologique, cette peur-là d'aller faire du camping avec un nouveau-né, alors que dans les faits, on n'a pas le choix de dormir très près du nouveau-né. On le mettra quand même pas dans une tente à part. Là. On va garder ça pour les enfants de 5, 6, 7 ans. Donc, on dort à côté, on est très proche pour répondre à ses besoins, mais il est immédiatement là. On se met une espèce de cocon comme ça dans la nuit, dans la tente. Ça se passe très bien, c'est particulièrement agréable. Est-ce que ça va mieux? Je me permets d'interpeller Marie-Ève, ta conjointe qui est là, justement. Marie-Ève, je suppose que ton bébé était encore allaité à ce moment-là. Est-ce que, pratico-pratique, là, on a des biberons à faire chauffer, on a des purées à faire chauffer? Moi, j'ai chauffé les biberons sur moi. Sur mon corps. Moi, je pouvais carrément. Pas, j'allaitais pas, je tirais mon propre lait et je le gardais sur moi jusqu'au moment où la petite avait faim pour lui donner. Ça se fait. Ça se fait. Et j'aurais pu bouillir de l'eau aussi s'il avait fallu que je prépare de la préparation. Puis sinon, oui, moi, je l'allaitais, donc c'était facile, mais sinon, il existe aujourd'hui toutes sortes de petits gadgets qu'on craque puis que ça réchauffe en quelques minutes pour faire chauffer. Là, donc. Est-ce qu'il y a une industrie du gadget de camping avec bébé? Oui et non. Si vous rentrez dans un magasin plein air puis vous dites « je vais aller faire du camping avec un bébé de 4 mois, qu'est-ce que vous avez? » La personne va vous répondre « rien ». Pourquoi? Parce que il n'y a pas de choses adaptées, certifiées. Un sac de couchage pour un bébé de 3 mois, ça n'existe pas vraiment. On commence plus tard, la demande n'est pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser intelligemment un très bon sac de couchage qui convient à un bébé, puis bien intégrer ça. Mais dans les faits, c'est tellement spécifique comme demande qu'on finit par se débrouiller avec ce qui existe déjà pour les enfants et l'adapter à son nouveau-né, un bébé. Mais il n'y a pas une industrie de choses minuscules comme ça. Après, c'est des choses générales, c'est des couchettes, c'est des parcs, c'est des solutions qui existent déjà pour les bébés, mais qui ne sont pas nécessairement étiquetées plein air. De toute façon, on n'a pas besoin de ça. Un bébé, ça a besoin d'attention, ça a besoin de lait, puis ça a besoin d'être au chaud la nuit, puis c'est tout. Donc, pas besoin d'avoir des choses en Gore-Tex, un père respirant pour un bébé à cet âge-là. Est-ce qu'il y a des terrains de camping plus bébé-friendly? Parce que là, ce qu'on doit avoir peur aussi quand on va en camping avec un bébé, s'il pleure toute la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fout le camp parce qu'on a peur de déranger tout le monde? Est-ce qu'on veut un endroit où est-ce que les terrains sont plus éloignés? Est-ce que vous vous êtes senti vous bien accueilli à toutes les fois où est-ce que vous êtes allé avec un bébé? Ce qu'on a utilisé comme truc, et c'est tout simple, et ça se fait un peu n'importe où, que ce soit au Québec ou ailleurs, nous, on est allé aux États-Unis, on essayait au Québec, et tout ça, c'est de prendre un camping pas loin d'un lac ou d'une rivière. Pourquoi ça fait du bruit? Dans ces campings-là, on n'entend rien. On entend la rivière. Si quelqu'un vient se coller sur la tente, OK, il va entendre un bébé qui pleure, mais sinon, il va entendre la rivière et tout le monde est paisible. C'est une manière où tout le monde s'en sort bien. Un petit truc très facile. Il y en a plein. Il y en a ici, même à Stoneham, sur le proche d'une rivière, que les gens peuvent essayer. Ça fait un bruit de fond, puis les bébés aiment ça, les bruits de fond. En rapidement, Samuel, les indispensables, qu'est-ce qu'on apporte? Des choses contre les moustiques. Toujours, toujours. Un bébé qui a une piqûre, là, c'est pas agréable. Est-ce que tous les chasse-moustiques, on peut les mettre sur un bébé? Est-ce qu'il y a des sortes particulières? Non, il faut aller dans les plus doux et malheureusement, les plus doux sont un petit peu moins efficaces. Donc, des vêtements longs, c'est encore plus facile. Et une fois que la piqûre est là, une petite goutte d'huile d'arbre de thé. Ça fait des miracles. Bon truc. Alors, Samuel, je vais te demander, je vais avoir un petit devoir à te faire faire. Mm-hmm. Tes trois campings préférés, puis on va les mettre sur la page Facebook de l'émission. Il y en a un aux États-Unis, au New Hampshire, qui s'appelle Lost River, super camping sur le bord d'une rivière. Plus près d'ici, un parc national de la Mauricie, qui a énormément de sites de camping, dont un qui a fait une boucle pour piétons, très discrète, très tranquille, on peut descendre jusqu'à la plage, absolument génial. Le troisième, pour les plus aventureux, Parc du Bic. Il y a des emplacements absolument magnifiques sur le bord du fleuve là-bas. Par contre, c'est un peu frais, faut y penser d'avance, surtout si on y va en début d'année. Merci Samuel. Alors, on enchaîne avec un pont quiz. On devine la musique. Rocketman! Oh! Oh! Elton John, Sandra Belfoy est arrivée! Alors, je le disais en introduction, Sandra Belfoy va nous résoudre l'énigme des papas du midi. Oui. Mais vas-y, alors, raconte-nous ton histoire des papas du midi. Mais avant ça, je veux quand même mettre un petit peu en contexte les pères québécois. Savez-vous qu'il y a 1 million de pères au Québec d'enfants âgés de moins de 25 ans? Et que là-dessus, il y a 81% qui vivent au sein d'une famille intacte, 12% qui sont en famille recomposée et 7% en monoparentale. Et dans tous ces papas du midi, il y a 40% des pères qui reconduisent leurs enfants à l'école. Tout ça, c'est via les statistiques d'un article de Naître et Grandir qui stipule aussi que la présence d'un père au foyer diminue de 40% le décrochage scolaire et l'utilisation de drogues illicites, en plus de réduire de 3 fois les désordres d'ordre affectif. Donc, sachant tout cela, moi, depuis le début de l'année, je vais chercher ma fille à l'école les lundis et vendredis midi. Et semaine après semaine, j'ai commencé à réaliser que j'étais la seule mère, il n'y avait que des papas. Tellement que j'ai commencé à faire des statistiques. Et au pire du pire, je me suis retrouvée avec 8 pères et moi. Fait que là, je me suis dit... C'est pas dans les statistiques non, que tu c'est me disais bien plus tantôt, que là. Ce qu'on voit, là. Du mieux. Ben, quand même, j'étais impressionnée, mais je commençais non seulement à me sentir seule, mais à me dire, c'est plus qu'une tendance, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai été voir les papas pour essayer d'en savoir plus. Et là, j'ai découvert un nid de militaires blessés. En fait, la majorité de mes papas étaient des militaires à la retraite, parce qu'on n'habite pas très loin de la base, Valcartier, et ils s'étaient reconvertis en papa poule. Quel âge à peu près, un dans militaire 35, à la retraite? Et le plus vieux avait 52 ans. Tous des enfants en âge primaire, parce que la mienne est en âge primaire, donc on est tous à la même place pour la même chose. Et donc là, en parlant avec ces papas retraités, blessés, j'ai découvert, ils se sont tous ouverts le cœur sur la parentalité, alors c'était quand même très intéressant. Ils m'ont tous parlé de leur fierté de s'occuper des enfants comme les femmes d'antan. Donc tous font les corvées ménagères, tous s'occupent de la routine des devoirs. Un seul m'a mentionné avoir reçu des commentaires désobligeants sur le fait d'être converti en papa au foyer. Tous se sentent vraiment soutenus par leur entourage, leurs femmes, leurs amis. Plusieurs m'ont émue et j'ai particulièrement été émue par Jonathan, qui lui est en arrêt, en retraite de militaire à cause d'un PTSD, un syndrome de post-traumatique, parce qu'il a travaillé en Afghanistan avec des enfants blessés, des enfants très très amochés, et ces enfants-là ne pleuraient jamais. Alors quand il est revenu au pays, non seulement il a quitté l'armée, et puis il a décidé de se concentrer sur l'éducation de son fils qu'il avait déjà, de rattraper le temps perdu, et de pour toutes les horreurs qu'il avait vues à la guerre, il voulait en donner comme deux fois plus. Il est même maintenant coach de soccer du village. On a aussi André, qui lui est aussi un papa blessé, mais qui est aussi à la retraite. Donc lui, il se préoccupe pas des idées préconçues, mais il veut s'occuper de son enfant avant de reprendre le travail. Et non seulement il effectue les corvées ménagères et la routine de roi, mais il a aussi décidé de s'inscrire à des cours de cuisine pour approfondir ses connaissances. Il est très fier de son enfant puis des résultats qu'il obtient en l'encadrant de si près, et il trouve très très important d'être toujours là pour lui. Donc là, on a eu aussi Dani, que là, on ne peut pas trop parler, qui est en instance de divorce. Donc, elle a commencé à me parler, mais après, elle s'est mise à pleurer. Ça fait qu'on pense à lui, on lui souhaite du courage. Et on a aussi Mathieu. Mathieu, alors là, son histoire, aussi un papa blessé. Mais lui, il s'est fait frapper devant chez lui par un camion quand sa femme était enceinte. Il est mort deux fois avant d'arriver à l'hôpital. Les médecins ont dit, s'il survit, il aura l'âge mental d'un enfant de 4 ans. Mais il est là. Et dans sa rééducation, il a aussi s'occuper de son enfant, d'être là tous les midis. Et puis, il m'explique qu'il est vraiment heureux d'encadrer son enfant d'aussi près. Ça lui a pris un ou deux ans pour accepter pleinement son rôle de père au foyer. Mais aujourd'hui, il est vraiment très fier. Puis, il trouve que ça lui permet d'avoir une famille vraiment tissée serrée, même que pendant l'été, il n'envoie pas ses enfants en camp. Il les garde à la maison pour jouer, faire des recettes. Ils font beaucoup de recettes, mais papa du midi. Et puis, par exemple, son garçon, des fois, il a des doutes parce que c'est son seul papa. Son papa travaille pas, alors que la majorité des papas travail. Mais il en parle avec lui, puis il a décidé que tant que son fils ne serait pas autonome, comme les femmes on peut le faire, il retournerait pas, il essayerait pas de reprendre la vie active et de retourner sur le marché du travail. Et en plus de ça, il s'occupe de tous les enfants du quartier. Donc tous les enfants du quartier le connaissent. Et ce qu'il dit, ce qu'il apprécie le plus, c'est qu'il est tellement près de ses enfants qu'il sait dès que quelque chose va mal. Donc ses enfants peuvent rien lui cacher, puis il est là tout de suite pour essayer d'aider ses enfants quand quelque chose va mal. Et quand on a fini de parler, il a dit quelque chose qui m'a extraordinairement touchée. Parce qu'il a dit que dans le fond, cet accident avait eu du bon parce qu'il avait dû réapprendre à vivre, et en réapprenant à vivre, il avait pu devenir le père qu'il était aujourd'hui. Puis il m'a dit, si je suis au foyer, c'est parce que je veux faire des bons enfants. Mais est-ce qu'il y a un seul de ces pères-là qui aurait cru avoir cette vie-là non. avant d'être militaire, qui s'était dit, je vais être non. militaire un temps, quand je vais prendre ma retraite, je vais être père au foyer? Aucun. En fait, c'est tous venus de par les accidents, les chocs, les blessures, et qu'ils se sont vraiment reconvertis en papa poule. Donc, c'est pour ça que tous les midis, je me retrouve la seule mère avec ce nid de hommes blessés mais reconvertis en papa poule, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, je tiens quand même à lever mon chapeau à tous les papas du midi qui, à l'année, vont chercher les enfants, à les saluer et puis à les remercier pour avoir résolu c'était quoi ce mystère de mes papas du midi. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces hommes-là, dans leurs blessures, ont trouvé cette force-là. Exactement. Parce qu'ils vivent quand même contre quelque chose qui est courant dans la société. Mais en fait, ils se sentent... Puis il y en a un qui m'a parlé, c'est la première vague de vétérans depuis des dizaines d'années. Et il disait que sa génération de vétérans à lui se sentait beaucoup plus acceptée par la société qu'ont pu être les autres vétérans. Donc, il avait sa pension. Puis personne, aucun de ses amis lui faisait de remarques ou rien du tout, là. C'était, et ils se sentaient tous utiles. Et la fierté de tous ces papas, c'était vraiment à l'exemple de ce qu'on s'attendrait des mamans, parce que même des fois, c'est eux qui sortent, ils discutent, ils papotent sur l'heure du midi. Mais ça fait partie. Oui, vas-y, Annie. Mais comme mon sujet de maîtrise, c'était les mères au foyer de la classe moyenne scolarisée, une tendance qui tend à monter, justement, c'est de valoriser beaucoup les pères qui décident d'être à la maison près de leurs enfants. Et paradoxalement, et malheureusement, à mon avis, Par contre, les mères, elles ont de plus en plus, voire presque toujours, une critique parce que c'est comme si elles trahissaient la cause, hein, des femmes. Les femmes doivent parce sortir que c'est vrai, de la maison. Ça m'a étonnée. Et les pères, eux, vont être vus comme des héros. Tout à fait. Souvent. C'est ça qui m'a étonnée. Il y a aucun qui ne, ils sont tous très fiers. Il y en a aucun qui se sent dévalorisé parce qu'il reste à la maison, qu'il fait la cuisine. Au contraire, ils ont tous une très belle fierté. Et je dois dire quand même qu'ils m'ont donné beaucoup d'espoir en la paternité. Et qu'en parlant avec eux, ce que j'ai réalisé, par exemple, c'est que la parentalité, c'est pas une question de père ou de mère. C'est une question d'humanité. Donc, je dis bravo à tous les papas, bonne fête à tous les papas, puis bonne fête au papa du midi de l'école à Lille-Soleil. On sait qu'ils nous écoutent. Voilà. Ils sont à l'école. Faudra envoyer le résultat de ta petite enquête à ce ministre l'année dernière qui avait envoyé des messages différents à la fête des mères et à la fête des pères. C'est quel ministre déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un Peter qui McKay. Le sait? Parce Peter que, McKay, exactement, du Parti parce que ces papas-là, c'est comme des mamans. Puis c'est vraiment des papas virils, là. Ils sont tatoués, ils sont blessés. C'est pas l'image du père au foyer. Pas du tout. Qu'on pourrait avoir très stéréotypé. Là-dedans. Pas du tout. Et de les voir comment ils sont heureux et bien dans leur rôle de père au foyer, ça m'a estomaquée, puis je dois dire que je suis impressionnée. Et vraiment, j'ai été touchée par toutes ces histoires. Et un père peut vraiment trouver du plaisir à être au foyer et s'occuper de son enfant. Ça doit faire partie de leur processus de guérison? Aussi. Aussi. Aussi. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Réponse quand on écoute à la radio. Ben oui, mais là, personne n'a la réponse. On ne l'entend plus, Lily Soleil. Elle essaye de deviner c'était quoi. Song 2 de Blur. Le oh. Petit wouhou. Il nous manquait le wouhou. Vous écoutez toujours par antenne sur les ondes de CKRL. Et je me tourne vers Marie-Ève Larouche. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir, Sandra. Tu vas venir nous parler tout l'été, en fait, d'une façon différente de concevoir la grossesse. En tout cas, pas qui est moins. Pas la façon officielle, mettons. Suivi sage-femme. Oui, on va parler de suivi sage-femme. Et ce soir, tu voulais nous parler vraiment du choix qu'on fait quand on décide d'avoir un suivi avec une sage-femme en maison de naissance. Comment, c'est quoi les options qu'on a à considérer, puis pourquoi est-ce qu'on prendrait cette option-là? Oui, en fait, lorsqu'on se retrouve enceinte, souvent la voie qu'on y va, c'est on va voir un médecin. On appelle au CLSC. On appelle au CLSC, on appelle notre à la clinique d'obstétrique, puis on se tourne vers un médecin. Mais il faut savoir à la base que nous, en tant que femmes enceintes, on a le choix. On a le choix de se tourner, oui, vers un obstétricien. Ça peut être un choix. On a également un autre beau choix qui est les médecins de famille. Donc, les médecins de famille peuvent prendre, peuvent nous encadrer durant notre grossesse, faire le suivi médical. Quand on en a un. Quand on en a un, effectivement. Et également, un autre choix, c'est de se tourner vers une sage-femme. Donc, qu'est-ce qu'une sage-femme? Premièrement, en fait, une sage-femme, c'est une professionnelle de la santé. C'est une femme ou un homme, on peut appeler aussi un homme sage-femme, qui va être formé, une formation, un baccalauréat de 4 ans et demi qui se donne à l'UQTR. Donc, c'est un baccalauréat d'un assez contingenté et c'est un... il va former ce professionnel de la santé-là sur différents aspects. Ça va être une formation qui va être pendant 4 ans et demi axée sur l'accouchement, axée sur l'accouchement physiologique. Et dans cette formation-là, bien, il y a beaucoup de stages en milieu pratique, des stages en maison de naissance, des stages à l'hôpital et des stages à l'international. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que les sages-femmes, c'est un peu ésotérique oui. ou que c'est pas des gens nécessairement formés, mais vraiment, c'est 4 ans là-dessus. En tout cas, bon, j'oserais dire que c'est quasiment une plus grosse formation que certains obstétriciens peuvent avoir, là, parce que c'est 4 ans uniquement sur l'accouchement. C'est uniquement sur l'accouchement et uniquement sur l'accouchement aussi physiologique. Donc, ils voient pas tout ce qui est... ils en parlent, mais ils voient pas en détail là, tout ce qui peut être complication de grossesse. Ce qui m'amène à dire qui est admissible à un suivi sage-femme. C'est pas toutes les femmes qui peuvent être admissibles à un suivi sage-femme. Donc, premièrement, il faut avoir une grossesse qui est considérée comme normale. Donc, pas de grossesse gémellaire, pas de... Il y a toute une liste d'exclusions de grossesses qui sont plus réservées aux obstétriciens et qu'il faut des spécialités, qu'il faut avoir... Si c'est certain que vous êtes obligé d'avoir une césarienne... Oui, c'est ça. Vous ne pourrez pas aller avec une sage-femme. Si vous faites du diabète de grossesse contrôlé par insuline, vous ne pouvez pas accoucher avec une sage-femme. Non, effectivement. Des jumeaux, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas non plus. Est-ce que si on a déjà eu une césarienne, on peut? Oui, on peut. Ce qui est considéré comme un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne, et on peut, et même les AVAC sont très bien réussis en maison de naissance. En fait, si je me trompe pas, les obstétriciens et les médecins de famille ne font pratiquement plus d'AVAC. Donc, c'est à peu près la seule option si on désire avoir un AVAC, non? Disons ils en font, mais c'est plus contrôlé dans le sens, on va plus aller vers du monitoring continu. Donc, plein de petites choses qui peuvent mener moins facilement à la réussite de l'AVAC. Versus un suivi sage-femme qui va travailler beaucoup sur le psychologique, puis dans la confiance en notre corps de femme, donc qui va mener plus à la réussite. Mettons, bon, j'ai tous les critères, je peux accoucher avec une sage-femme en maison de naissance. C'est quoi les autres critères à privilégier, à prendre en considération? C'est quoi la philosophie qu'il faut avoir pour accepter d'accoucher avec une sage-femme? En fait, premièrement, le plus gros point, c'est vouloir un accouchement physiologique, donc un accouchement naturel, parce qu'il n'y a pas de péridurale en maison de naissance. On peut, durant le travail, si on atteint notre certaine limite personnelle, se faire transférer vers l'hôpital et avoir un transfert de soins. Donc, ça se fait. Mais il faut, à la base, avoir une volonté, une très forte volonté pour mener à terme là, ce projet-là de vouloir accoucher tout naturel, que notre corps fasse le travail. Et ça, c'est quelque chose que votre sage-femme, si vous êtes suivie en maison de naissance avec une sage-femme, va vous parler pratiquement à chaque rendez-vous. Oui, oui. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Pourquoi est-ce que c'est ça que tu veux? Il faut que tu trouves la motivation en toi parce qu'à un moment donné, quand tu vas pogner ton nœud, ton mur... C'est comme un marathon. Il faut que tu aies une motivation. Ouais. Ça va être quoi ta motivation pour continuer? Sandra, ils le font juste au premier. Deuxième, troisième, ils te lâchent la paix avec ça. On en a parlé à chaque rendez-vous. Deuxième, troisième enfant. Deuxième, troisième enfant. Mais c'est quoi la différence entre une sage-femme et une doula? Ça, c'est une de mes prochaines chroniques que je veux faire, justement, l'accompagnement à la naissance. Donc, une doula, c'est plus une accompagnante à la naissance. Elle n'est pas formée du tout médicalement. OK. Donc, elle n'accouche pas. Elle va être présente lors de l'accouchement, mais c'est pas la professionnelle. C'est ça, c'est pas la professionnelle, c'est plus un support psychologique. Ah, okay. Tandis qu'une sage-femme, c'est le support psychologique, mais également le support plus clinique. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre de différent? Est-ce que les rendez-vous vont être pareils? Est-ce qu'on va avoir les mêmes tests médicaux? Est-ce que l'encadrement va être le même? En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que en prénatal, les rendez-vous, c'est à la même fréquence que chez le médecin, mais ils durent beaucoup plus longtemps parce que on parle beaucoup du volet psychologique, mais aussi du volet clinique. Et le volet clinique, ça va être, on va impliquer la femme et la famille dans le suivi et dans les décisions. Donc, on va toujours, quand il va y avoir tel test à faire, la sage-femme va expliquer à la femme pourquoi on le fait, voici les pour, voici les contre. Maintenant, toi, en tant que femme, pour ton bébé, pour ta famille, qu'est-ce que tu veux faire? Et après ça, il y a aussi beaucoup le prénatal, le postnatal, excusez, une fois l'accouchement fait, il y a des rendez-vous vraiment géniaux là, un jour de vie de bébé, 3 jours, 5 jours de vie de bébé, que la sage-femme vient à la maison pour s'assurer que maman va bien, bébé va bien, puis que l'allaitement va bien. Donc, c'est les mêmes tests, ne vous en faites pas, mais au choix. Oui, c'est les mêmes tests, mais vraiment au choix. Au choix. Et au deuxième, troisième, il y a de l'aide pour les relevailles aussi. En tout cas, moi, je l'ai eu. Oui, au premier aussi, oui. Merci beaucoup, Marie-Ève. Si vous avez d'autres questions, on vous invite aussi à venir nous voir sur la page Facebook. Puis tout au long de l'été, tu vas nous parler justement d'accompagnante à la naissance et d'autres sujets reliés à ça. Oui, mais je vais juste ajouter un point qu'on se demande souvent. Et c'est gratuit, un suivi sage-femme. C'est couvert par l'assurance maladie. Mais vous appelez la journée que vous avez votre plus sur votre test de grossesse, vous appelez à la maison de naissance pour avoir votre place. Mais merci beaucoup. On en a deux dans la journée. Salut, Olivier. Alors, dans la prochaine demi-heure de Parenthème, c'est fou, là, on change de micro. Alors, on va parler, donc, du congé parental pris par les pères. Annie Cloutier va nous parler du détachement adolescent. Berbel va nous parler du livre Dérive de Locolocas. Non, pas de Locolocas, de Biz. Biz. Locolocas sont trois gars, ils n'ont pas vécu leur paternité tous en même temps. Ah, ça aurait été spécial. Ça aurait été rock'n'roll, c'est déjà assez rock'n'roll demain. On se time, on regarde nos calendriers. Non, ça ne fonctionne pas. J'ai eu une petite absence. Et là, et c'était en passant le pont que vous avez entendu, Personal Jesus de Depeche Mode. Alors, à chaque fois, là, Sandra, là, à chaque fois, tu me dis, oh oui, je le savais, là, je commence à plus te croire. Valérie Harvey, bonsoir. Bonjour. Valérie, chercheuse à l'Université Laval, qui fait une étude sur les pères québécois et les congés parentaux. Donc, oui. on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure avec Sandra. Donc, les pères québécois qui ont officiellement 5 semaines de congé parental. Depuis presque 10 ans, là. Mais c'est ça, depuis 2006. Mmh. Voilà. Pourquoi tu t'intéresses à ce sujet-là? Peut-être parce que je me suis intéressée aux mères en premier. J'ai fait ma maîtrise sur les mères japonaises. Je voulais savoir pourquoi les femmes au Japon avaient plus d'enfants. Qu'est-ce qui les empêchait? Est-ce qu'ils désiraient d'en avoir? Est-ce que c'était ça le problème? Ou est-ce qu'il y avait d'autres obstacles qui venaient un peu se mettre dans le chemin? Puis je terminais ma maîtrise, comme on fait souvent, là, en faisant une ouverture. En disant, maintenant, il serait intéressant d'aller voir du côté des pères. Quand tu lançais ça de même. Il semble avoir un impact important sur les décisions des mères. Parce qu'au Japon, ça peut faire la différence entre un ou deux enfants, et même trois. Puis au Canada, ça a l'air d'avoir une influence aussi. Tu sais, je lisais ça. Puis là, en lisant mes études, ma recherche, ben, je me rendais compte que le pays où ils ont le plus long congé, les pères au monde, là, c'est l'Islande. Fait que je me suis dit, ben, je vais changer d'île. Fait que je suis partie un mois en Islande, j'ai exploré un petit peu comment fonctionnaient les congés parentaux là-bas. Puis au Québec, on est quand même très, très bon, là, parce qu'on a 5 semaines, ce qui est en Amérique du Nord le plus long congé qu'on retrouve. Puis donc, je voulais voir un petit peu comment ça se passait, parce que, tu sais, c'est bien beau de donner des beaux programmes publics, puis des congés parentaux, puis tout ça, mais ça peut ne pas fonctionner. Moi, je trouve des fois que ça nous parle autant quand ça marche pas que quand ça marche. En Islande, ça marche, OK, ils prennent le 3 mois. Mais le Japon, les pères, ils perdent zéro, ils sont 1,2%. Mais ils prennent pas de toute manière, ils prennent peu les congés. C'est culturel. C'est culturel, mais c'est ça que je me disais. Pourquoi au Québec, ça a fonctionné? Pourquoi avant, on leur donnait 2 semaines sur l'assurance chômage? Ils prenaient quand même très peu, hein, parce que ça paraissait mal, parce qu'il y avait des pénalités, etc. Et là, on leur offre 5 semaines, où on remplace évidemment le revenu, mais ils prennent et ils participent là, dans une grosse proportion à prendre les 5 semaines totalement. Parce qu'en donnant 5 semaines, on a validé l'importance. Ben moi, je pense que quand tu mets un programme, il faut qu'il y ait déjà quelque chose dans la société de près. Là. Le programme, il est supposé venir après la demande. Ouais, c'est ça. Il est pas supposé précéder. Là. Donc, le programme est arrivé à temps. Il est arrivé au moment où il y avait une certaine égalité. Il y avait un certain désir aussi des pères de s'impliquer. Puis peut-être que c'est venu peut-être que ça fait très longtemps que c'est là. Parce que, tu sais, je lisais Nicolas Lévesque, là, Le Québec vers l'âge adulte, c'est un livre super le fun à lire. Puis à un moment donné, il disait, ah, moi, je regarde ça, on dit que la génération X, c'est la génération, tu sais, qui a manqué sa shot, qui a pas eu, il a pas eu les jobs des entreprises parce que c'était tout pris par les baby boomers. Mais alors, est-ce qu'on a pensé que peut-être la génération X, elle a pas manqué son coup du côté de la famille? Mais non. Que ça a été des pères qui ont été plus présents parce que oui, OK, il y avait un petit job, mais ils pouvaient revenir à la maison. Parce, puis aussi, ben, ça a été la génération qui a vu les premiers couples divorcés. Donc, le père, tu sais, quand tu l'as, ton bébé à la maison toute la fin de semaine, ben, t'as comme pas le choix là, de l'assumer, ta job de père à 100%. Donc, il y a peut-être eu, à ce moment-là, déjà une espèce d'avance qui s'est installée, qui s'est mise en place. On a commencé à parler du père. Puis c'est super intéressant à ce moment-là d'aller rencontrer ces pères-là pour leur demander, hey, ça a-tu été compliqué de prendre ton congé? Comment t'as décidé ça de prendre tes semaines? T'as-tu pris plus que 5 semaines? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui prennent plus que 5 semaines? Ben c'est surprenant. Oui, étonnamment. Puis moi, ce que je suis allée au début, je voulais y aller de façon vraiment cadrée, là, RQAP. T'as-tu pris des semaines du congé parental? Parce qu'ils ont le droit de prendre dans les 32 semaines qui sont au choix des parents. Là. Puis finalement, en regardant ça, les pères, des fois, ils me disent, ah oui, puis j'ai pris aussi des semaines à mes frais. J'ai pris mes semaines de vacances aussi. Fait que là, je me suis dit, OK, eux autres, ils considèrent que ça fait partie de leur congé. Fait que, tu sais, dépendant du père, dépendant comment ils me présentaient ça, tu sais, je me suis mis des petits astérix, là, puis je pense que... Mais on a dans les statistiques, c'est prouvé que la moyenne, c'est entre 7 et 13 semaines qu'un père va prendre. Donc, on a des pères qui... On est loin du 5 jours que mon chum a eu pour nos deux premiers enfants. Moi, j'ai à peu près toutes les belles-mères sont contents. Quasiment un an, hein? J'ai un ami qui a pris il y a 2-3 ans. Tout. Il a tout pris. Voilà. Et c'est ça. Pour le prochain, il compte tout prendre. Ben, moi, mais si la mère n'a pas droit, non. Il est mieux de le prendre. Pigiste, donc, ben, la mère a toujours droit aux 4 mois. Quand même. Mais si t'es pigiste, si t'es travailleuse autonome, tu peux être contact. Ouais. Excuse-moi, les mères au foyer n'ont pas de RQAP. Ben, je sais. Quand t'es mère au foyer, pas c'est juste très difficile pour ton conjoint de prendre le congé puisqu'il est seul pourvoyeur. Donc, j'insiste pour dire que pas tout le monde a le droit au RQAP. Exactement. Il faut avoir payé. Moi, je suis étudiante. Moi, j'avais pas de congé de maternité, là. C'était zéro. C'est drôle parce qu'en Islande, justement, quand tu ne travailles pas et quand tu es étudiante, t'as le droit à un congé qui est fixe. C'est-à-dire qui est fixé selon, c'est un montant, là, qui varie pas. Tandis que quand tu travailles, ce montant-là est basé aussi, sur tes revenus précédents. Il y a 25 ans, quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu quand même, si j'étais étudiante. J'ai eu un 3 mois. Alors, on ne supporte pas vraiment les parents étudiants ou les parents qui sont plus jeunes, qui n'ont pas d'emploi fixe. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'avoir des enfants plus tôt dans la vie, ben c'est bon pour la santé de tous. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attaquer à ça plutôt que de s'attaquer... Moi, j'ai un petit malaise avec l'avis du Conseil du statut de la femme qui veut transférer 3 semaines au père, l'enlever à la mère, le donner automatiquement au père, sans que cette décision-là puisse être prise à l'interne. Là. Ça peut être pris entre les parents, cette décision-là. Ben, en ce moment pris par les parents. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? La plupart des pères me disaient qu'ils préfèrent justement une liberté de choix. Mais c'est prouvé partout où j'ai étudié ça, là, que quand on donne la liberté de choix, étant donné le modèle traditionnel qui est encore présent, même si c'est vrai qu'on dévalorise les femmes qui décident de rester à la maison, ça, c'est bien dommage. Mais quand on donne le choix, il y a malheureusement des pères qui se sentent pas autorisés même à demander des congés, des parties de congés parentales. Et ça, moi, il y en a beaucoup qui m'en ont témoigné et qui m'ont même dit, ma blonde m'a donné la permission de prendre 3 semaines de plus du congé parental. Donc ça, dès qu'on sort de la norme, dès qu'on dépasse notre 5 semaines de congé de paternité qui nous est réservé et qu'on a le droit de prendre et qu'on est super heureux de prendre en passant, là, dès que ça c'est fait, dès qu'un père veut dépasser, là, le chemin, il est plus dur. Il est plus dur pour l'entreprise. Il est plus dur pour la mère, pour l'entreprise. Il est plus dur pour l'entreprise qui comprend pas trop comment ça se fait que... Ça dépend des entreprises. Oui, ça dépend, évidemment. Moi, j'ai étudié en informatique, hein. Donc, l'entreprise, ils comprennent moins. Ils sont ouverts, là, mais on s'entend que tu causes un petit peu plus de maux de tête. Oui. Après ça, c'est plus dur pour la mère parce que, ben, il y a certaines mères qui le proposent. On s'entend qu'il y en a qui sont enchantées, là. Chaque couple a sa dynamique. Mais il y a des mères qui sentent qu'on prend une partie de leur congé. J'en ai un qui me disait, j'ai dit, comment vous avez parlé de diviser le congé? En avez-vous parlé de ça? Il dit, on n'a pas, hein. Un jour, j'ai évoqué le fait que comment on allait diviser ça. Mais diviser? Non, mais je vais tout prendre, voyons donc. Tu vas avoir tes 5 semaines. OK, j'ai compris qu'il fallait que je me ferme. Là. Donc, il y a cette réaction-là. Ce que je peux comprendre là, parfaitement, là, tu sais, c'est comme ça qu'on est habitué de le voir. Que ce soit les hommes qui veulent sortir de la norme en prenant plus de semaines ou des femmes qui veulent sortir de la norme, c'est-à-dire en prenant moins. Ça aussi, des fois, c'est plus ou moins bien vu. Ou en restant à la maison, mm-hmm. ou en continuant de travailler à temps partiel plutôt que retourner au travail qu'elles avaient avant. Dès qu'on sort de la norme, on est mal vu. Donc, malheureusement, le chemin est encore à paver à de nombreux endroits. Puis c'est vrai que le Conseil du statut de la femme, je pense que leur proposition part du principe que si on oblige, c'est-à-dire que si c'est moins libre, on facilite le chemin à ceux qui voudraient quelque chose de différent. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, je trouve ça le fun qu'on en parle. Premièrement, l'étude a fait parler, là, fait que, tu sais, pour une fois qu'on commence à parler des pères, de la dynamique de la famille, puis tout ça, faut presque remercier le gouvernement fédéral, pas fédéral, mais provincial, quand il parlait de couper le congé de paternité, ça a permis à tout le monde d'en parler, puis moi, je faisais mes entrevues en même temps, fait que j'ai rajouté une question, mais non, mais je trouve que ce qui est drôle dans leur enquête, qui est intéressant, mais que ça sera pas mon enquête, c'est qu'ils se sont intéressés beaucoup au partage des tâches et sont revenus sur le fait que les tâches entre les mères et les pères n'étaient pas partagées de façon égale. Sauf à l'école, à l'Élysée-Soleil, parce que vraiment, tous les pères que j'ai rencontrés font la cuisine, font le ménage et sont vraiment fiers de le faire. Oui, mais encore là, on peut revenir là-dessus en disant, ils font les tâches, c'est plus le fun. Est-ce qu'ils vont laver la toilette? Est-ce qu'ils vont changer les couches? Moins souvent. Souvent, ils vont faire passer le bain. Non, mais je dis ça de même. Moi, je te lis ce que je lis. Oh, oui. Sauf que on oublie, les pères que j'ai interviewés me disaient, ouais, c'est peut-être pas égal, mais c'est équitable. Dans le sens où elle est meilleure à cuisine, ou des fois c'est le père qui est meilleur. Ben, ou ils prennent des cours de cuisine. Il fait. Moi, il y a des pères qui s'inquiétaient aussi en disant ouais, mais des fois, tu sais, j'ai pas complètement passé juste du temps avec mes enfants. Tu sais, j'ai fait des rénovations. Puis ils voyaient ça comme si c'était pas quelque chose de justifié. C'était pas quelque chose qui valait la peine autant que je sais pas. Moi, si t'avais joué pendant 40 minutes avec ton enfant, mais on s'entend, l'enfant il y a 3 semaines. Tu sais, il veut pas jouer là. Donc c'est moi je trouve. Au contraire, c'est une implication de père de s'impliquer dans sa maison. Puis, et ça, malheureusement, je trouve que c'est une étude où on a tendance à l'oublier, ça. Ou peut-être qu'on devrait parler d'équité beaucoup et mettre ça de l'avant. En tout cas, moi, j'étudie juste les pères. C'est ça, je fais pas une comparaison entre le temps de travail qui passe à la maison par rapport aux mères. Là. On a un papa avec nous. Je veux savoir, toi, t'as pris combien de temps, Samuel? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris la totalité et j'ai absolument pas voulu diviser. J'ai rien... On n'a pas le droit à un congé équitable, tout simplement, parce que Marie-Ève était étudiante à l'époque. Donc, au sens de la loi, elle avait le droit à absolument rien. Donc, moi, j'ai tout pris. J'ai tout pris, puis j'ai gratté mes vacances, mes congés maladie, mes semaines accumulées, tout ce que je pouvais. Puis j'ai pris à peu près l'équivalent d'un an avec une petite pause entre les deux. Parce que les hommes, on est encore beaucoup moins bien traités. Souvent, même dans les conventions collectives, habituellement, on donne des avantages aux femmes qu'on ne donne pas aux hommes. Ça aussi, c'est une chose à discuter. Une travailleuse syndiquée va avoir le droit à une bonification de salaire. Le même homme qui fait la même demande, on va lui dire « Ah, non ». Non. Même si l'objectif est le même, on s'entend, l'important, c'est d'avoir un parent qui reste à la maison, qui s'occupe d'un enfant. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de milieux de travail. Donc, ça incite aussi les femmes à davantage le prendre. Lorsqu'on se fait dire, d'un côté, si c'est la femme qui le prend, ça va être 98 % du salaire, mais si c'est l'homme, ça va être 70. Le débat à la maison... Puis 55 après, tu sais. 55 après. Nous, on ne l'avait pas, ce débat-là, mais j'imagine qu'il y en a qui l'ont, puis que ça peut jouer aussi. Ah, au final, je l'ai donc tout pris, et c'est peut-être une des plus belles années de ma vie. Je n'ai pas regretté une seule seconde que j'ai eue là-dedans. J'en suis extrêmement fier, puis j'essaie juste de le recommander à tout le monde, à qui je leur dis, prenez pas 5 semaines, prenez-en 7, 8, 10, 12, 13, 20, 32, peu importe. Prenez tout ce que vous êtes capable tout en étant respectueux de votre conjoint. Mais ça change énormément le marché du travail, évidemment, mm-hmm. quand on voit de plus en plus de pères qui en prennent. Parce que, comme ils ne sont pas habitués à ce que mm-hmm. ça se fasse, que le père demande 4 jours après ça, quand ils retournent au travail, ben, ça leur force une adaptation et à voir les choses mm-hmm. autrement. C'est pas juste les femmes qui vont demander des aménagements, mm-hmm. les hommes aussi. Ça fait des petits. Ouais. C'est donc un beau cri du cœur. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Samuel. Et on va aller en chanson. Et chaque semaine, je demande à un membre de l'équipe de choisir une chanson qui lui fait penser à sa vie de famille. Berbel, c'est ton choix, tu nous la présentes? Oui, bon, moi, je l'ai fait voter en famille et vous êtes tous bien chanceux qu'on était juste 3 et pas 5 parce qu'on serait encore assis à discuter. On a écouté pendant 2 heures de la musique pour choisir et finalement, on a choisi la chanson « L'été ». de Bernard Lavillier sur le disque Carnet de bord. C'est une de nos chansons fétiches dans l'auto qu'on chante tous ensemble, mais ça aurait pu être aussi Le Marin. Ça aurait pu être Les filles, Jacques Dutronc, On a trois filles. Ça aurait pu être, on a tout un disque de chansons quétaines. En tout cas, on écoute beaucoup de musique, mais on a pris celui-là. Je cherchais quelques rimes quand elle m'est apparue. Cette beauté qui signe princesse de la rue. Élégante, exotique, sortie des fleurs du mal. Des fumées baudelairiennes, un amour marginal. Juste derrière l'épaule, un tatouage dit. Malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, plaisir à qui me prend. Et dans ce jeu de rôle, je te veux maintenant. L'été était nu sur la plage. Et cet amour sauvage. Merci beaucoup. Alors, c'était le choix musical de Berbel qu'on a un peu coupé parce qu'on voulait avoir le temps d'entendre Annie Cloutier. Cher fils adoré, peut-être m'en voudras-tu de te mêler à mes écrits. Peut-être hausseras-tu les épaules, habitué à mes épanchements. Le plus probable est que tu ne me liras pas. Quoi qu'il arrive, sois assuré d'une chose. En dépit du titre de cette entrée sur mon blog, « Lettre à mon cégepien », comme toujours, c'est à mon propre sujet que j'écris. Ce que tu es, ton identité, la façon dont toi tu te perçois, cela n'appartient qu'à toi. Ne fais pas comme moi. Ne laisse jamais le doute te gagner suite à ce qu'on dit ou écrit à ton propos. Tu es beau, mon fils. Grand et sérieux comme tes ancêtres calvinistes. Tu as des opinions, des talents, un sens profond de ta dignité. Il y a longtemps que tu ne te considères plus comme un enfant. Tu sais qui tu es, d'où tu viens, où tu veux aller. Tu as le sens des responsabilités. Tout pour autant ne coule pas de source pour toi. Tu as choisi un programme élitiste au cégep. Tu te heurtes au mur des efforts sérieux. Quand tu rentres, au beau milieu de l'après-midi, je lève les yeux de mon ordinateur. Je te demande si ça s'est passé comme tu veux, si tu as des amis, si tu te sens heureux. Tu souris. Mais oui, mais oui. Tu évolues dans ton antre au sous-sol, chauffé de tes parents unis. Tes petits frères rivalisent d'ingéniosité pour s'arracher ton attention et tu les rabroues parfois, mais tu as bon cœur et tu supportes bien leur présence, au fond. Vous vous montrez parfois si tendres, si attentifs l'un envers l'autre, sous vos dehors batailleurs, que je suis saisie d'émoi. Famille aimante, refuge. Soir après soir, vos devoirs, vos pauses autour du comptoir le temps d'une gorgée de thé, quelques notes de piano quand l'envie vous en prend, vos éclats de rire penchés sur un écran, vos commentaires, vos tentatives de cynisme, vos étalages de biceps, votre adolescence. Je vous aime tellement. Et là, dans mon texte, il y a un long débat sur ce que c'est de devenir la mère d'un adolescent, petit à petit. Et je vais finir avec les quelques mots, parce que je ne peux pas lire indéfiniment. Vous irez lire sur mon blog. Je vais finir avec la conclusion. Quand tu es né, je t'ai promis que je serai toujours à tes côtés. Il ne s'agit plus maintenant d'éduquer, d'exiger, ni même de sortir mon carnet de chèques et de payer. Le moment est venu de ne plus rien souhaiter pour toi. Le moment est venu de te regarder t'élancer. Le bout que moi j'avais noté, Annie, quand je l'ai lu, c'est « Maintenant, je ne sais plus toujours où tu en es, rarement en fait ». Exactement. Donc, c'est le récit. Mon fils a 19 ans maintenant. Quand j'ai écrit ça, il en avait 17. Ça fait un an et demi maintenant. C'était lors de sa première session de cégep, qu'il a terminé il y a quelques semaines. Il s'en va maintenant à l'université. C'est mon premier enfant. J'ai été une mère au foyer. J'ai été passionnée par mes enfants. Je le suis toujours. J'ai adoré être près d'eux. J'ai adoré les voir grandir. J'adore faire partie de leur vie, etc. Mais la maternité, peu importe la façon dont on décide de la vivre, de travailler ou non, d'être plus ou moins présent physiquement, peu importe, c'est une série de détachements. Et ici, dans cette émission, on parle beaucoup des détachements du très, très jeune âge. Hein, arrêter d'allaiter, les envoyer à la garderie, ce genre de trucs-là. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est en rafale. C'est une affaire après l'autre, puis on grandit très, très vite. puis c'est une succession d'émotions constantes. Plus tard, ça va plus lentement, mais c'est quand même pas banal ce qu'on vit avec notre premier enfant. Et c'est vraiment, en tout cas de mon expérience à moi, avec le premier qu'on le vit le plus intensément. Parce que quand arrive le second ou le troisième, on reconnaît ces choses-là, puis on se dit, ah oui, ça c'est le moment où je dois le laisser prendre l'autobus de la ville pour la première fois, par exemple. Oui, je reconnais cette émotion-là. Je comprends pourquoi je suis stressée ou frustrée en ce moment. Parce que le but, c'est qu'ils deviennent indépendants. Exactement, exactement. Et dans la société d'aujourd'hui, ces détachements-là, ces passages-là, je dirais pas qu'ils sont plus difficiles ou moins difficiles qu'avant, mais ils se font d'une façon très particulière. Je pense que c'est un secret pour personne qu'on vit dans une société qui couvre énormément ses enfants, voire à l'excès. Ça a été très, très critiqué. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Moi, j'en étais une quand mes enfants étaient jeunes et c'est un sujet qui me passionne encore, mais il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que c'est pas normal que nos enfants ne puissent même plus aller au parc, qu'ils puissent pas traverser la rue. Mon fils, qui est en sixième année aujourd'hui, faisait une excursion scolaire à vélo et ils ont fait descendre les enfants de vélo pour descendre une côte, sixième année. La sécurité. Non, mais ça, c'est pour moi, il y a un véritable drame qui se joue là parce qu'effectivement, et là, c'est tout le monde qui s'imprègne de cette mentalité-là, non seulement les enfants, mais les parents aussi. Et là, c'est une espèce de spirale vers le haut, vers cette intensité-là. Et ça vient que comme parent, si tu ne vas pas reconduire systématiquement tes enfants du secondaire chez leurs amis qui habitent un tout petit peu plus loin que l'école de quartier, ben là, c'est les enfants, c'est les parents de ces amis-là qui vont venir les reconduire. Puis là, évidemment, tu t'es super gêné parce que toi, tu n'as pas été chercher ton enfant. Irresponsable! J'ai vécu ça. Oui. Je ne conduis pas, j'ai vécu ça souvent. Irresponsable! Oui, ben oui. Les parents se disent parfois assez clairement, ben là, t'es pauvre toi, tes parents ne viennent pas te chercher, on va aller te reconduire. Donc, voyez un peu, il y a une surenchère, il y a quelque chose qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à laisser aller nos enfants. Donc ça, c'est dans le très, très concret de la chose. Mais dans le côté émotif de la chose, quand on a tout investi dans la maternité, et encore une fois, je le répète, c'est le propre de la plupart des parents d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a les enfants qu'on désire, de façon générale. Puis là, l'enfant est un projet. Puis, tu sais, quand on a un enfant, c'est qu'on veut que ça devienne quelque chose de très, très fort entre nous deux. Mais cet enfant-là, tu sais, comme disait Khalil Gibran, qui est un grand, grand classique, mais qui est encore valide aujourd'hui, les enfants ne vous sont pas donnés. Ils vous sont prêtés l'espace de quelques années pour qu'après ils puissent s'élancer sur les sentiers de la vie. Et ça a l'air bien beau théoriquement, mais quand ça vous arrive très concrètement que votre enfant est rendu un cégepien, qui s'engage politiquement, ça c'est le cas du mien, il s'engage politiquement, il y a une blonde. Déménage à Montréal? Oui, il peut déménager à Montréal, effectivement. A une blonde chez qui il passe plusieurs nuits. Vous perdez le contact avec sa réalité, il ne vous appartient plus. Et c'est là qu'il faut vraiment trouver un équilibre très, très particulier pour continuer d'avoir une relation saine, aimante, protectrice, une présence pour cet enfant-là, mais en renonçant à tout savoir de lui. Mais on finit toujours par appeler notre mère, même à 30 ans, quand on a besoin. Pendant cette période-là où j'écrivais ce texte-là, c'est ce que plusieurs amis à qui je disais « mais je le vois plus ». Mes amis me disaient « il va revenir, inquiète-toi pas ». Et je pense que c'est d'une grande sagesse. Merci beaucoup. David Bowie, Major Tom. On a enfin un gagnant pour les formes musicaux. Gerrit Dugard à la mise en onde a gagné. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier tout de suite, Gerrit, parce que j'ai jamais le temps à la fin de l'émission. Alors, merci, on a un metteur en onde extraordinaire qui est là à chaque semaine. Je ne veux pas me passer de toi. Et comme je sais que j'aurai pas le temps non plus à la fin de l'émission, je veux vous dire qu'il y a une fête de quartier, le quartier Les Raies, samedi. Donc, au parc Gérard Marchand de 15h à 22h, remis le lendemain en cas de pluie. Et ce soir, 22h à TV5, un documentaire « Papa est là ». Sur un père dont le fils s'est fait enlever. Donc, mes petites annonces sont faites. On peut y aller avec Berbel Renke, qui va sortir tout l'été des livres de sa bibliothèque qui parlent. Que je relis, que j'ai quand même relu, mais là, pas avec l'œil de la critique littéraire, mais vraiment comme parent. Là, c'est vraiment une lecture parent. Bon, moi, j'ai relu. Dérive de Localocation. Dérive de Biz. Et, je pense que ce qui. Sorti en 2010. 2010. C'est un sujet dont on ne parle pas. La dépression, postnatal des pères, vu que les ça pères, oui. Visiblement, ah oui, ça a non. duré 3 ans, pauvre gars, parce que évidemment ils sont pas soignés non plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle tout au début, tout ce que ça lui fait d'avoir un enfant, il est super content, mais Désolée, mais je n'ai pas eu d'orgasme en changeant des couches. Je ne trouvais pas non plus particulièrement agréable de me faire tirer du lit en pleine nuit par des pleurs hystériques. Il paraît que les nouvelles mamans sécrètent des hormones. Puis on a des orgasmes en changeant des couches? Non. J'ai pas eu ça, moi. Wow, wow. Euphorisante qui facilite l'attachement au nouveau-né. En pilule ou en pommade, il m'en aurait fallu de ces fameuses hormones. L'égalité des sexes dans les tâches suppose l'égalité des moyens pour les accomplir. Il en parle des congés. Il parle de sa volonté de rester auprès de son enfant. Il a pris les congés. Il l'a fait. C'est ce qui s'ensuit. C'est l'histoire d'une longue dépression. C'est bien écrit. C'est extrêmement bien écrit. Cet homme-là a du vocabulaire. Sa dépression est représentée comme un marais. Et lui, il est dans ce marais, sur un radeau. Il se promène là-dedans et il va atterrir vraiment au Styx. On rentre vraiment dans la mythologie grecque où il va s'en rendre compte qu'il ne veut pas mourir. Et qui doit se ramener à la vie. Parce qu'il était rendu là. Il était vraiment rendu là. Il est complètement ailleurs. Il en parle. Et je pense, j'ai lu des livres aussi, autant des essais que des romans qui parlent de la dépression de la mère. Je trouve qu'il y a une manière quand même différente. C'est bien les pères, hein. C'est pour ça, là, des fois. Il y a un sens de l'autocritique, pas du tout sensible avec lui-même, où il parle de sa phobie à un moment donné, de tout ce qui traînait dans la maison. Il a tout sorti. Il avait tellement besoin de vide que, il a dit notre chalet est rempli de souvenirs de sa blonde parce qu'elle, elle était pas pour jeter ses affaires parce que lui était en train de virer fou. Il faisait une obsession sur toutes les lumières qui restaient allumées. Essaye d'avoir un enfant, il y a pas des lumières allumées. Mon chum aussi a cette obsession là, il dit que j'ai peut-être en dépression. Il est peut-être en dépression, check ça. On vient de diagnostiquer ça ce soir pour des lumières allumées. Non, écoute, c'est vraiment, il est dur avec lui-même, très tendre avec sa douce, avec son enfant. Et on sent toute sa souffrance. Moi, j'ai adoré lire ce livre-là. Et en même temps, j'ai compris cette détresse-là qui n'est pas la même détresse qu'une mère peut vivre. Est-ce qu'il parle là-dedans du fait de médicalement, là, comment ça se vit? Est-ce qu'il s'est renseigné sur est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des dépressions? Du tout. Non. Du tout. Lui, vraiment, il a atterri. C'est pas documentaire. Non, c'est pas du tout documenté. Il parle de lui, il parle de son fait, du fait qu'il est un père, il a voulu être père. Ça n'a pas été un choix facile d'ailleurs, il y a quoi, 37 ans quand ça lui arrive, tu sais, c'est pas arrivé à 22 ans de même là. C'est une décision qui a été prise et il a voulu transmettre des choses à son fils et ça lui a même pris du temps, il parle même des sorties qu'il fait avec son fils où son fils lui ressemble énormément, il y a une conscience sociale à 2 ans et demi qui pose des questions et lui est même pas prêt de répondre à ça tellement qu'il est embourbé. Et ça le fait souffrir en même temps. Tu sais, quand son fils lui dit « Regarde la boulangerie, pourquoi c'est juste des messieurs noirs qui travaillent là? » Tu sais, son fils a le regard où il se dit « Hey, j'ai voulu lui montrer ces choses-là et là, c'est même pas moi. » Je suis pas capable d'assumer, de le vivre. Oui. Est-ce que le livre se termine des années plus tard quand il va mieux? Non, il va encore mal. Non, tu le sais qu'il est sorti de son marais, vu que c'est vraiment très littéraire comme forme. Tu le sais qu'il a refusé d'envisager ça et tu sens que il s'en va vers du mieux, mais ça s'arrête avec ça. C'est vraiment comme une photographie d'un moment, mais c'est un long moment de 3 ans. Mais c'est très court comme livre, c'est tout petit. Oui. Oui, oui. Mais justement, d'un point de vue littéraire, c'est très intéressant, là, ces épisodes dans le marais qui passent. Et à travers ça, tu as des petits moments dans leur vie de couple, dans leur vie familiale, où tu comprends bien ce qui se passe dans le marais, où il est dans sa tête et dans sa réflexion. Mais à 9 mois de grossesse, mon chum est allé dans le marais. Quand j'étais à 9 mois de grossesse, il a fait comme une espèce de petite crise de panique où il a fait une mini-dépression, là. Ah, une dépression partout. Où il était perdu, il ne savait plus où il était rendu. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, là. Mmh. Ça a duré trois semaines. Oui, c'est ça, je pense. Toute la responsabilité qui leur tombe autant dessus qu'à nous, hein, c'est épeurant. Et les rôles sont moins clairs que, regarde, quand nos parents sont devenus parents, les rôles étaient clairs. Papa allait travailler, faisait de l'argent, et maman restait à la maison et s'occupait des enfants, et ça allait.